Juste, s'il vous plaît, un peu de silence sur le plateau. On rappelle que juste après ce grand débat, il y aura donc cet entretien exclusif avec le fondateur du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, qui donnera eh bien toute la vérité, mais surtout la réalité, notamment sur Bakhmout. Que se passe-t-il véritablement sur les différents théâtres d'opération? Restez des nôtres, et eh bien ça sera juste après nous l'occasion pour nous d'aller aux États-Unis retrouver Dassi de Bidounte. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, vous êtes de nationalité d'origine burkinabé depuis les États-Unis, où réside actuellement. Bonsoir, bienvenue à vous. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous mes aînés qui sont sur le plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Média, et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore. Merci de Bidounte, j'espère j'y arrive finalement, pour évoquer donc effectivement cette dynamique qui est observé, visible aujourd'hui au Mali, tout comme au Burkina Faso, une alliance stratégique qui est donc mise en place. Rarement on a vu véritablement cette coopération sud-sud être visible. En tout cas, le cas du Mali et du Burkina Faso aujourd'hui est pour beaucoup d'analystes un cas d'école qu'il faille absolument suivre, tant les méthodes semblent être communes, la mutualisation des efforts, la mutualisation en tout cas au niveau de la vision, de la pensée. C'est une synergie qui est quand même assez impressionnante aujourd'hui, tant elle est en train de mettre véritablement à mal eh bien les dérives, qu'elles soient celles de la CDAO, mais davantage celles de l'ONU avec eh bien ses différents bras séculiers, la MINUSMA pour ce qui est du Mali, avec notamment les médias, notamment France 24, RFI, qui sont régulièrement interpellés, sinon coupés d'activité, interdits d'activité du côté du Mali. Mali, Burkina Faso, c'est du pareil au même. Comment est-ce qu'on apprécie à votre niveau aujourd'hui, Dassi de Bidounte, cette véritable action stratégique qui est mise en place aujourd'hui par ces deux pays? Est-ce qu'elle a les coups de frange pour véritablement renverser les différentes dérives, qu'elles soient celles de l'ONU, mais encore, ou alors davantage celles de la CDAO? Oui, merci. Et pour le nom, je dirais que c'est Dassi de Bidounte. D'acier de Bindouté. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la situation au Burkina, je ne sais pas quoi dire encore, parce que ici, j'étais en avant, je disais, d'abord, pour le Mali, je passais tout mon temps ici à dire qu'ils n'ont qu'à quitter la CDAO, ils n'ont qu'à faire partie de l'administrement. Bon, avec la fin de l'administrement, le premier contrat, ils ne l'ont pas fait, ils ont renouvelé. On est toujours d'actualité. La question CDAO est toujours là. Maintenant, pour le cas burkinabé, je pense que sur ce plateau, j'avançais des idées. On pensait que j'étais dans la liste tribale. J'ai dit non. Je connais la sociologie du Burkina, je connais l'histoire du Burkina. Aujourd'hui, tout le monde est devant les faits. Et si vous vous rappelez, dès le coup d'état de Damiba, toute première émission qu'on a fait à chaud, j'ai dit non. Il ne peut pas régler les problèmes du Burkina parce qu'on se connaît. La situation dans laquelle nous sommes, on sait d'où pourrait venir la solution. Aujourd'hui, vous-même, vous voyez l'arrivée du président Ibrahim Traoré, ce que ça a créé comme remous. Et aujourd'hui, avec la marche d'hier, tout le monde finalement a compris. Donc, pour vous dire que, du point de vue des acteurs, nous sommes dans un contexte où on a eu la chance d'avoir des leaders qui ont la même volonté, c'est-à-dire libérer leur pays. Donc, en ce qui concerne le Burkina, je ne reviendrai pas sur ça, mais la vérité est là, tout le monde connaît la vérité aujourd'hui. Donc, il faut aller de l'avant. Mais maintenant, il faut travailler de fond en comble pour refonder nos États. Et pour le cas particulier du Mali, je pense que c'est une chance inouïe. Et si le Mali et le Burkina ne s'unissent pas, ne travaillent pas dans le fond, je ne pense pas qu'on aurait encore cette chance-là avant 50 ans ou 100 ans. Voilà, parce qu'il faut le dire ouvertement. Le problème des leaders politiques africains est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur peuple, ils ne connaissent pas leur culture. Et quand les gens veulent agir, soit ils se replient derrière, soit disant leur religion, et ils oublient l'Afrique fondamentale, l'Afrique profonde. Le Mali, c'est un peuple africainement très profond. Moi, je ne vois pas le Mali en termes de l'islam ou en termes de religion musulmane.

et c'est de s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qu'ils sont là pour la transition, ils vont finir la guerre et partir. Le travail qu'ils ont fait là, ça va tomber dans l'eau, parce que quand les politiciens professionnels vont venir, ils vont revendre le pays et on va se retrouver dans la même situation, parce qu'en attendant, l'Occident prépare la guerre contre l'Afrique. Et nous devons aller immédiatement à l'Union. Sans plus tarder, il n'y a pas de débat à faire. Le Mali et le Burkina doivent aller à l'Union pour pouvoir aller de l'avant. C'est tout. C'est comme ça qu'ils peuvent casser la CEDEAO. C'est comme ça qu'ils peuvent changer la géopolitique. Merci à vous, Dacier de Bidounti. On va, avant de vous retrouver, Papa Basilikine, rendre d'ailleurs effectif ce communiqué signé des autorités de la transition du Mali sur le cas de ces décès, donc notamment du côté de Karma. C'est avec d'ailleurs une profonde affliction que le gouvernement de transition a appris l'attaque ayant visé les populations civiles dans le village de Karma au Burkina Faso. C'était le 21 avril 2023. Suite donc à ce drame, le gouvernement de la transition présente ses condoléances les plus attristées aux autorités ainsi qu'au peuple frère du Burkina Faso et prie d'ailleurs pour le repos de l'âme des défunts de cette barbarie. La peine du gouvernement de la transition a été aggravée par le commentaire inopportun de son Excellence Oumaru Sissoko Embalo, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des chefs des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a qualifié sans aucune preuve cet incident de génocide avant donc d'imposer certainement sa volonté à la commission de la CEDEAO, qui a malheureusement repris l'état d'âme de son Excellence Oumaru Sissoko Embalo dans son communiqué du 20 avril 2023. Donc, le gouvernement de la transition appelle à la retenue et à la prudence. Le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO en lui signifiant que la recherche des présumés auteurs d'infractions relève exclusivement de la compétence des autorités souveraines du Burkina Faso, qui ne ménagent aucun effort pour lutter contre le terrorisme. Aussi, ajoute le communiqué, faut-il le rappeler que la manipulation des conflits identitaires par les groupes terroristes représente l'un de leurs modes opératoires en vue de fragiliser la cohésion nationale. Par conséquent, en l'absence de toute preuve et sans aucune habilitation, la rédaction du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est loin de renforcer la cohésion nationale au Burkina Faso et constitue donc une ingérence grave dans les affaires internes à ce pays. Parlant du Burkina Faso, pour la République du Mali, cet épisode rappelle des tentatives désespérées d'instrumentalisation des droits de l'homme afin d'accuser les autorités de la transition et les vaillants de forces de défense et de sécurité malienne, in fine, entraver la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement de la transition demeure donc vigilant et n'acceptera pas que de telles manœuvres visent les autorités burkinabées avec lesquelles les autorités maliennes sont pleinement engagées pour l'éradication du terrorisme soutenu par les sponsors étatiques étrangers. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Signé le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, j'y arrive, et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement malien, le colonel Abdoulaye Meïga. Ce qui nous permet donc de vous retrouver, doyen Papa Basilikine. On a suivi avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure Dacier de Bidounté, qui nous semblait nous laisser croire que les autorités en place, que ce soit au Mali ou alors au Burkina Faso, semblaient être beaucoup plus préoccupées par des questions de transition que des questions de refondation. Est-ce que dans le fond, on n'a pas une dynamique véritable d'un mouvement de refondation que d'intérêt de transition? Oui, je crois d'ailleurs que le fait que les deux pouvoirs qui sont des pouvoirs de transition aient décidé de travailler ensemble, c'est un point positif, absolument positif. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la voie que les Africains devraient suivre. Plutôt que d'écouter RFI ou d'autres télévisions et radios étrangères qui nous disent comment on gère les droits de l'homme, comment qu'est-ce que c'est que la démocratie, eh bien qu'ils sachent que la démocratie a commencé en Afrique et que les Africains ne sont pas fondamentalement opposés à la démocratie, mais que au contraire, les gens qui sont sur le terrain peuvent appréhender certaines situations et la transmettre à l'autorité centrale de manière à ce que les petites difficultés n'enflent pas pour devenir des problèmes insurmontables. Moi, je crois que nous avons en Afrique la tradition de la palabre sous l'arbre et que c'est celle-là qui va nous aider à nous en sortir. En tout état de cause, le Burkina et le Mali sont en train de nous donner là un modèle à suivre et désormais, il vaut mieux que ce soit l'autorité locale qui apprécie la situation et prenne les décisions qui s'imposent. Nous savons d'ailleurs que tout ce terrorisme-là, on le sait, il est alimenté depuis l'Occident parce que c'est les richesses de notre sous-sol qui les attirent. Et comme pour eux, les Africains ne sont pas des humains, eh bien, il faut prendre par la force, au besoin en détruisant les humains et les États qui sont sur place. Je crois que de ce point de vue-là, la CDAO, la grande, a intérêt à se mettre à l'écoute des pouvoirs nationaux et de faire en sorte que la coopération, plutôt que les oppositions les uns aux autres, puisse persister. Et j'espère que le Burkina et le Mali sont en train de mettre en place un modèle que le reste de l'Afrique va suivre et qui nous permettra de nous sortir de nos problèmes qui sont spécifiques à l'Afrique et qui n'ont pas besoin que ce soit des solutions imaginées et élaborées à Washington ou aux Nations Unies qui vont nous permettre de nous en sortir. En tout état de cause, la France est au Sahel depuis tout le temps que nous savons et les résultats n'ont pas été probants. Essayons donc la méthode que le Burkina et le Mali sont en train d'implémenter et pour que vive la libération de l'Afrique et que, enfin, nous puissions être maîtres de notre destin. Je crois que c'est une voie à suivre. Merci. On retrouve rapidement, c'est vrai que l'orientation de ce débat viserait véritablement à pouvoir peser le poids du Mali et de la CEDEAO dans leur dynamique de faire fléchir et infléchir notamment ces organisations, qu'elles soient sous-régionales ou alors internationales, qui ont véritablement, on a l'impression, juré de faire maintenir un véritable chaos. On vient d'ailleurs de lire tout à l'heure le communiqué du Mali qui dénonce la posture du président qui incarne aujourd'hui l'organisation appelée CEDEAO. Mais avant peut-être que d'y arriver d'une manière constructive, est-ce que dans la dynamique qui est visible aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, l'on ne voit pas véritablement une dynamique qui viserait véritablement à construire un idéal tout ensemble? Vous savez, les questions politiques, on va y arriver, sont importantes. Mais au quotidien, les populations du Mali et du Burkina Faso ont besoin de paix. Quand vous n'avez pas vécu sur un territoire attaqué pratiquement tous les jours par les terroristes, où la petite vie économique détruite, les petits agriculteurs ne peuvent plus exercer leur activité, les éleveurs, le bétail est pillé, les jeunes filles sont enlevées pour servir d'objets sexuels. En fait, à ces criminels qu'on appelle les djihadistes, et souvent pour des mariages forcés, vous pouvez parler d'une certaine façon de cette histoire. On l'a connu au Cameroun avec Boko Haram en 2016. On l'a connu au Cameroun. Et la situation était d'autant plus difficile parce que l'armée du Cameroun n'avait jamais fait face à ce type de menaces, des menaces asymétriques, où le Boko Haram est parmi vous. Et mieux, le Nigeria a refusé de donner au Cameroun le droit de poursuite. Donc l'armée se battait face à des gens, un, invisibles, et deux, qui avaient une base de repli, une base arrière. Comment vous faites? Il a fallu que le Tchad obtienne le droit de poursuite de la part du Nigeria. rentre dans cette affaire, renforce les positions camerounaises et décide d'aller chercher M. Chekao dans la forêt de Sambisa, accompagné des troupes spéciales camerounaises. Je ne viole plus aucun secret quand je dis que les troupes spéciales camerounaises ont accompagné les troupes tchadiennes dans la forêt de Sambisa. Voilà pourquoi chaque fois qu'une démarche au Cameroun va vouloir mettre en mal notre coopération, notre amour, notre alliance avec le Tchad, nous allons refuser qu'elle prospère. Ça, c'est aussi une raison pour laquelle nous avons pris position sur cette histoire de Savane. Et dit petite action de plus de la SNH dans Cotco, une entreprise qui ne va plus rien valoir le jour où le Tchad va se doter d'une raffinerie, ne peut pas mettre en mal une alliance comme celle-là. Les deux pays sont dans un instinct de survie. Et quand vous regardez la carte de la CEDEAO, vous vous rendez compte que le Burkina Faso a le Mali comme voisin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Niger. Du côté du Mali, l'une des plus grandes frontières, c'est-à-dire qu'au nord-ouest et au sud-ouest du Burkina Faso, c'est le Mali. On peut estimer que c'est relativement sécurisé. Au sud du Burkina Faso, vous avez quatre pays. Vous avez le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Ils ne s'y plaignent pas beaucoup. Bien qu'au nord du Togo et au nord du Bénin, on commence à voir ce qu'on peut appeler des petites poches djihadistes. Le gros problème, c'est dans cet espace, je ne sais pas s'il faille appeler zone des trois frontières ou pas, c'est dans cet espace, appelons ça comme ça, cet espace où on peut retrouver l'influence des trois pays, Mali, Niger, Burkina Faso, plus au Niger, dont le Niger devient un problème pour la sécurité du Mali et pour la sécurité du Burkina Faso. Voilà les questions fondamentales à poser sur la table. Le Niger devient un problème. Donc quand les deux pays se mettent ensemble, d'ailleurs nous leur demandons de renforcer la coopération avec un pays qu'on appelle la Guinée-Conakry. C'est-à-dire que la Guinée-Conakry, dont vous aurez le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Conakry. On sait que ça discute entre les trois pays. D'ailleurs, là, les officiels, le président Doumbouya était au Mali. Il a été reçu. Le communiqué à l'issue de cette rencontre était relativement positif. Mais vous vous rendez donc compte que si le Niger est un problème pour la sécurité du Burkina Faso, ben, ça veut dire qu'au sein de la CEDEAO, effectivement, c'est une association de faux-semblants. C'est une mauvaise association. C'est une mauvaise union. C'est un ramassis d'hypocrites. Ça veut dire qu'au sein de la CEDEAO, des gens tournent pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts de ces deux pays. De ces deux pays. Rien à voir. Question. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-là? Qu'est-ce qu'on fait? Et ça ne nous surprend pas qu'un monsieur qui sort de sa Guinée-Bissau, je l'ai dit, et sous l'activité principale, c'est le narcotrafic, parle de génocide. Et moi, j'ai souvent dit ici qu'il faut souhaiter tout à un pays, sauf l'arrivée d'un rigolo au pouvoir. Parce que quand vous n'êtes pas un homme politique, vous ne pouvez pas régler les questions politiques. C'est un métier, être un homme politique. Et à la tête de nos organisations, on doit y retrouver des hommes politiques. Parce que voilà une question éminemment politique, au-delà d'être une question sécuritaire, éminemment politique. La sécurité dans le Sahel. Et vous avez vu que une idée, au-delà de cet imbroglio, une idée qui avait été bonne au départ, la mise sur pied du G5 Sahel, qui devait intégrer d'autres acteurs, notamment la Mauritanie, inclure ce Niger, éventuellement le Tchad, a été dévoyée. Parce qu'à l'intérieur, il y avait des hommes politiques qui regardaient cette affaire d'une certaine façon, et d'autres qui tournaient pour d'autres intérêts. Si le Niger devient un problème pour la sécurité du Burkina Faso et du Mali, est-ce qu'il ne faille pas poser cette question et voir ce qu'il faut faire du Niger? Voilà les questions fondamentales. Donc, quand le président Traoré explique aujourd'hui qu'il n'y a plus d'espace aérien entre le Burkina Faso et le Mali. Ben, c'est en quelque sorte la réponse d'une première visite qu'il a eu à faire au Mali, je crois en novembre 2022, où il était déjà allé rencontrer son frère d'armes, avec qui ils avaient discuté, et il s'était rendu compte de façon évidente qu'il fallait coopérer. Deuxième des choses, au-delà du problème nigérien qu'il faut poser, mais c'est quoi les espaces aériens en Afrique? Moi, je croyais que les espaces aériens des pays, en quelque sorte, étaient imminemment codifiés. Que ça faisait partie même, comment on peut dire, que de la souveraineté d'un pays au même titre que le territoire. Or, quand vous suivez l'interview du capitaine Traoré, le président de la transition au Burkina Faso, l'espace aérien du Burkina Faso est constamment violé. Constamment violé. Qui viole l'espace aérien du Burkina Faso? Il va plus loin. Ça peut servir de ravitaillement. Ça peut servir de ravitaillement. Le Mali a eu ce problème. Le Mali était à un chouïa d'aller au clash, d'aller à l'affrontement militaire avec la France. Tout simplement parce que le Mali demandait à la France d'arrêter de survoler son territoire. Mais qui au sein de la CEDEAO se comporte comme un shérif, viole les espaces aériens, circule, faufile, va avec des avions, alimente les djihadistes, donne de l'argent, ravitaille les djihadistes. Quand on est un djihadiste, on est dangereux quand on a un fusil et quand on a de l'argent. D'où leur viennent les armes? Qui finance? Vous voyez que je pose des problématiques. Je pose la problématique du Niger, c'est-à-dire aujourd'hui de la qualité d'un pays comme le Niger. Je pose la problématique de la solidarité. Je pose la problématique d'une institution comme la CEDEAO qui est devenue un véritable problème. Qui est devenue un véritable problème. Faut même pas. C'est-à-dire, quand on voit avec quelle légèreté le président en exercice de la CEDEAO parle de génocide. Mais on ne devrait pas utiliser, nous les Africains, qui avons connu le plus grand génocide de l'histoire, l'esclavage. C'est-à-dire que personne sur la Terre n'a connu le génocide que l'Afrique a connu. Mais un Africain, avant de prononcer le mot génocide, devrait pratiquement avoir les larmes aux yeux. Les génocides, c'est une action politique dirigée pour exterminer un peuple, exterminer une race. Souvent à partir des fondements racistes, raciales, sectaires, fascistes. Nous, on l'a vécu. Et vous avez à Karma. Quand il tient de tes propos justement sur les tueries de Karma. De Karma. Il veut... Le peuple burkinabé est en train de pleurer ses morts. Tout à fait. Et où il y a une enquête judiciaire. Et où il y a même déjà des gens qui sont interpellés et qui répondent. Et dont les terroristes, aujourd'hui, il est démontré que ces terroristes ont une zone d'influence éballée à l'est du Niger. Souvenez-vous les propos. Appelons le général, d'un général nigérien. Il expliquait que la nouvelle orientation, le nouveau choix stratégique d'un pays comme le Burkina Faso et le Mali allait leur retomber sur la figure. Est-ce qu'ils ne nous annonçaient pas par là ce genre de crimes et de massacres qui allaient être commis à partir d'un certain nombre d'éléments que eux, ils pilotent et qu'ils soutiennent? Que fait Barkhane au Niger? Que fait Barkhane au Niger? Si Barkhane au Niger estime être au Niger pour lutter contre le djihadisme et lutter contre le terrorisme. Mais la frontière entre le Burkina Faso et le Niger devait être hautement sécurisée. Parce que Barkhane devait dire au Niger que si les djihadistes peuvent attaquer le Burkina Faso, ils vont attaquer tes propres villages. Tout à fait. Donc l'intérêt pour moi, Barkhane, d'être au Niger, c'est pouvoir faire en sorte que le Niger soit havre de paix. Mais on constate justement que le Niger est devenu un véritable problème pour la sécurité du Mali, avec qui il partage des frontières, pour la sécurité du Burkina Faso. Et c'est un problème qu'il faut poser sur la table, avec l'acteur Barkhane. Même nous, je vous rappelle qu'il y a un avion, hélicoptère MiG-24, qui a survolé l'espace aérien de la République centrafricaine il y a quelques jours. Tout à fait. Et dont personne ne sait d'où est parti. On parle d'une panne technique. Vous parlez d'une panne technique, d'autres parlent d'un crash, des villageois de la zone où l'avion est tombé disent qu'ils ont vu des transbordements de matériel militaire. L'avion, personne ne reconnaît qu'il est parti de son territoire. L'avion devait être censé partir en RDC. La RDC dit vraiment, moi je ne suis pas au courant de cette histoire. La MINUSCA, pour vous montrer les incohérences, et aller regarder et expliquer que la zone nous fait peur, c'est miné. Nous on rentre, il a fallu des instructeurs militaires russes pour aller extraire ceux qui pilotaient de l'avion et comme par hasard ce sont des Européens se retrouvant dans un appareil russe. Et c'est comme ça le ciel africain, où des gens peuvent se balader, vous ne savez pas qui ils sont, ce qu'ils transportent et ce qu'ils y font. Tout à fait. Et le capitaine Traoré dit, ils font des efforts pour essayer de mettre au courant cela, parce qu'ils soupçonnent lui que ceux-là sont au service d'armées amies. C'est-à-dire d'armées amies de ceux qui survolent le territoire. Mais si vous êtes au service d'armées amies, prenons un exemple. Barkhane est au service d'une armée amie comme celle de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Barkhane vient faire au-dessus de l'espace aérien du Burkina Faso? Alors que Barkhane est ami de l'armée de Côte d'Ivoire, Barkhane doit être au-dessus du territoire ivoirien. Qu'est-ce que Barkhane vient chercher? Qu'est-ce que Barkhane vient chercher au-dessus du territoire du Burkina Faso? Barkhane peut passer par le Bénin, passer par au-dessus de l'Atlantique et venir survoler la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Barkhane vient chercher? Qu'est-ce que des avions, c'est-à-dire qu'on soupçonne être avions militaires d'armées amies au sein de la CEDEAO, font au-dessus du ciel malien? Il a fallu des pieds et des mains. C'est une alliance qui est appelée à se poursuivre. Donc, très certainement, ça va se discuter avec la Guinée-Conakry. Tout à fait. Des pays comme le Togo, le Bénin ont compris qu'il faut discuter avec leurs frères, qu'il faut discuter avec leurs frères. Mmh. On a vu le rôle qu'a joué le Togo pour désamorcer la crise qu'il y avait eu au sein de la CEDEAO des 49 mercenaires. Absolument. Nous avons apprécié la diplomatie togolaise. Nous avons apprécié la diplomatie togolaise. Et en ce moment, ça se discute parce que, effectivement, le Togo, c'est à une frontière au nord avec le Burkina Faso, mmh, ainsi que le Bénin et même le Ghana. Donc, un Burkina Faso totalement déstabilisé, il va sans dire que nos chers amis djihadistes et les parrains du djihadisme, effectivement, qui veulent ensanglanter l'Afrique, vous enfermer sur des questions, comment je vais dire, sécuritaires, et ne jamais vous permettre de penser votre souveraineté, les questions de développement, les questions de liberté, eh bien, vont permettre à ce qu'ils vont utiliser ces djihadistes-là. Merci. Donc, c'est une excellente, excellente coopération. Mmh. Nous saluons cette coopération. Nous sommes très fiers d'apprendre que l'armée du Burkina Faso a renforcé ses capacités, que ce soit opérationnel et même que ce soit en matériel. Je vous donne un exemple. Pour sortir, je vous appelle. Le président explique que quand il fallait lutter contre les djihadistes, il fallait attendre que certaines troupes reviennent du front. Vous savez pourquoi? Pour donner leurs fusils, leur casque, leur et leurs pantalons à ceux qui devaient aller. Je rappelle que le Burkina Faso avait accord militaire avec la France. Non seulement accord militaire avec la France, pour avoir des équipements mais il y avait militaires. 400 éléments de troupes spéciales françaises au Burkina Faso. À l'époque, avec le colonel le colonel Damiba, il faisait d'ailleurs, il vantait d'ailleurs justement j'en cette coopération. Absolument. Monsieur Damiba, qui était chef suprême des armées, patron de l'armée du Burkina Faso. Il n'était pas au courant de ça? Il était au courant d'ailleurs. Et il vantait, il allait même plus loin. Il expliquait que la situation est compliquée. Il nous suffit d'avoir l'identité des terroristes pour qu'on aille dans une négociation avec les terroristes. C'est-à-dire qu'il voulait carrément changer le paradigme de la vision et de la doctrine de défense du Burkina Faso pour aller négocier avec les djihadistes. En autre terme, aller s'asseoir avec les patrons de Barkhane et dire au patron de Barkhane que je m'en remets à vous. Vraiment, vraiment, dites-moi ce qu'il faut faire. Vous voyez ce qu'étaient les accords de coopération et de défense dans nos pays? On clochardisait les armées. Ceux qui sont au front doivent rentrer, donner le gilet par balle, le fusil, le botte et la treillis à celui qui attend quand on pour le relever et dans le jargon militaire, une arme à utilisation personnelle. Et à utilisation personnelle. Souvent même il faut deux ou trois armes. C'est-à-dire que moi j'ai vu des troupes commando aller sur le front avec deux, trois armes, deux, trois fusils. Tout à fait. Zéro couverture aérienne, rien du tout. C'est ça qui a été la coopération militaire avec le pays que vous appelez la France. Et elle est au Mali, elle est au Niger maintenant stationnée. Et le Burkina Faso est de plus en plus sécurisé. que Barkhane fait au Niger, le Niger devient un problème de sécurité nationale pour des pays de la CEDEAO, eux qui ont besoin de sécurité. Merci. Voilà la problématique de fond. Merci à vous, Bertrand Tatinda. Professeur Jean-Paul Mbeleg, je vous retrouve. La question, elle est tout aussi complexe quand on a véritablement parcouru les tableaux qu'adressait avec beaucoup de maestria tout à l'heure Bertrand Tatinda. Que vaut aujourd'hui finalement cette alliance? Est-ce qu'elle a véritablement les coups de franche pour essayer de gérer un espace sous-régional qui est autant miné et qui a autant d'enjeux? Je vais essayer de répondre parce que... Vous rapprochez de votre micro, oui. Les spectateurs. Parce que avant Bertrand, il y a eu de Bidonté qui a un peu décalé le problème en mettant en cause ceux qui gèrent la transition au Mali et au Burkina Faso. C'est irrecevable pour les panafricains. Tout à l'heure, le président Bandakani avait dit qu'il ne voulait pas donner les noms, mais il y en a un qui vient de s'afficher là. Il met en avant un nom. Vous allez faire votre analyse et respecter la lecture de Dacier de Bidonté. Oui, mais il met en avant un nom, à savoir Domi Fakoli, que j'ai connu personnellement. Mais entre-temps, les humains évoluent. Ce que je veux dire, parce que qu'est-ce que tu attends de moi, là, Fabrice, le Burkina Faso et le Mali, si ce n'est pas appuyer leur combat? Puisque nous soutenons ce camp-là. Je crois que j'ai lui, on sait quoi, là. Je vais commencer à dire oui, ils ont tort, donc voilà ce que je pense. Je ne pense rien, ils pensent pour nous. C'est eux qui sont au chaud là, c'est eux qui sont dans le chaudron. Donc ce que je suis en train de dire, eh bien, je vais à leur droit, je vais te faire un rappel historique. Peut-être pas moi, téléspectateur. Oui, merci aux téléspectateurs, cette façon de parler. Comment l'Afrique a été colonisée? Comment les Africains ont été mis en esclavage par le terrorisme? Le terrorisme, c'est l'arme que l'Occident a toujours utilisée en Afrique. Sans le terrorisme, ils n'auraient jamais eu le dessus. D'accord? Bravo. Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, vous voyez, dans ceux qui imaginaient, non, on le vit, c'est contemporain. Vous voyez comment ils terrorisent une région qui se vide. C'est comme ça qu'ils ont fait. Et comme on n'a pas réussi à condamner nos actions, à se réveiller à temps, je vous signale que si la densité de population déjà est très élevée, c'est parce que là-bas, les Portugais en particulier, ils l'ont écrit, avaient peur du royaume Haoussa, parce qu'ils étaient armés. Ils avaient des cavaliers avec des chevaux carapassonnés, ils étaient armés. Ils avaient même des mathématiciens. Bon, j'en parlais dans tout à l'heure, je garde la cartouche. Voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait. Le Baguirmi, pareil. C'est des états forts. Donc on n'a pas prélevé les humains n'importe où. On a prélevé là où il y avait un manque de coordination, un manque de défense. Si l'Afrique était restée unie, comme c'était le cas de l'Empire du Ghana, c'était un état territoire, on n'aurait pas été ni mis en esclavage, déporté en masse, sur une longue durée, ni colonisé par la suite. Et puis il y a autre chose, il y a un autre drame qui se passe en Europe. Nous, les Africains, nous voyons ce qui arrive en Afrique, mais on oublie qu'il y a eu un génocide de Noirs, en Europe même. Ah oui, on verra pour le deuxième sujet tout à l'heure. Il y a des Noirs de souche en Europe. Ah oui, je vais développer tout à l'heure. Donc, la coordination entre Burkina Faso et le Mali est vitale. Nous avons là des panafricains, des jeunes qui ont pris le pouvoir. Vous voyez l'opposition, chez nous les jeunes sont favorables. En Europe, les jeunes sont défavorables à la population. Ici, chez nous, c'est le contraire. Ce sont les jeunes comme les Sankara, comme ceux qui sont là actuellement, Assimi Goïta, Traoré. C'est eux qui font les coups d'État favorables à l'Afrique, aux panafricanistes, à la population. C'est eux qui sont là pour protéger la population. Ils en ont pris conscience et ils agissent en conséquence. On ne peut que les soutenir. On ne peut pas chercher le grain de sable qui va remettre en cause leur action. Même s'il y avait des grains de sable, ça ne peut être vu qu'après, une fois que le territoire est sécurisé. Or, il ne peut pas être sécurisé sans se limiter seulement au Burkina Faso et au Mali. C'est ce que vient de dire Tatinda. Le Niger. Ouais. Le Niger, attends. Toutes les troupes étrangères, en fait, affaiblir le Mali et le Burkina, c'est encourager l'Occident. Puisqu'ils sont en train de stocker en proposition au Niger. Attends, je ne comprends pas. On est bête ou quoi? On n'est pas bête. Donc, s'il y en a qui se perdent, mais attends, moi, dans ce cas, je souhaite que la guerre arrive là où ils sont. On va voir quels sont ceux qui sont capables de combattre au-delà de la bouche. Non mais attends, quand la guerre va éclater là, les balles sifflent là où les gens qui parlent tranquilles sont. Là, je verrai s'ils continuent à tenir le même discours. Ils verront que le plus urgent, c'est sécuriser le territoire le plus large possible. En fait, les frontières de l'Afrique, c'est au niveau de la mer. Ok, parce que même au niveau du canal de Suez, c'est pas une frontière. L'Arabie devait être, c'est une extension naturelle de l'Afrique. Il faut un glacis là. On peut pas libérer l'Afrique et s'éluiter là. On doit aller assurer une sécurité même dans ces régions du Moyen-Orient. C'est ce que les pharaons égyptiens ont fait justement dans l'Antiquité. À l'époque de Djéhoutimès, troisième du nom, celui que les gens appellent couramment Toutmosis. Trois. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas être long parce qu'on va me dire que je dis ceci et cela sur les uns et les autres. Non. Je dis que la situation est grave pour le continent africain. Et si vraiment on veut pas que les choses se répètent défavorablement, même si actuellement on a des alliés, justement, profitant de nos alliés, on a la Russie là, c'est un allié. Je parle sur le plan militaire, même s'il y a d'autres alliés possibles sur le plan économique. Profitons pour faire une vraie unité de combat. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud devait être concernée par le Mali, au sens où il s'apporte des militaires. Parce que notre ennemi, le terroriste là, c'est comme une maladie, tu ne soignes pas. En fait, tu soignes, tu ne guéris, elle ne guérit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'attaque pas les causes. On regarde simplement les manifestations. Un jour, il tousse, on lui donne ceci pour calmer la toux. C'est ça, soigner. Mais le but, c'est de guérir. Et pour guérir, notre vrai ennemi, c'est l'Occident qui est déjà prépositionné chez nous, en particulier au Niger. Donc, il faut qu'on commence à amasser les trucs. On en a parlé ici par rapport au Tchad. J'étais là, il y a quelques jours. C'était avec toi, peut-être, je crois. Voilà, on a parlé. Il faut qu'on commence à s'arranger pour pouvoir faire face. Là, on nous parlait de 40 000. Bon, je pensais 40 000, c'est 4 000. Il faut qu'on fasse qui venait du Tchad pour aller en Centrafrique. Voilà. Mais là, il faut qu'on fasse comme si c'était 100 000 qui arriveraient dans un territoire africain. Voilà. Un territoire comme l'Égypte, là, on en parlait tout à l'heure. Mais ce n'est pas des traîtres, ça. Des gens qui reçoivent des milliards de dollars des États-Unis. Mais c'est quoi? C'est pour faire du bien à l'Afrique. C'est pour le jour où on veut se libérer. Ils vont se retourner contre nous. On va en parler tout à l'heure. Ça va au-delà même de Cléopâtre, et ceci, cela. Donc nous devons absolument s'assurer que le Mali et le Burkina est une alliance forte qui va intégrer aussi la Guinée. Et on doit libérer le Niger, parce que le Niger est déjà un territoire occupé. Et ça va s'étendre. Donc tout ça, c'est au sérieux. Hein. Dans les discours qui consistent à dire que telle chose ne plaît ou ne plaît pas, on n'en est pas là. Il faut libérer le continent africain et prévoir la suite des événements, à savoir... Aucun territoire, aucune portion de territoire africain ne doit être encore, doit encore accepter une présence de troupes occidentales. D'accord. Il n'y a pas d'amitié à ce niveau-là. Que ce soit les troupes françaises, Barkhane, que ce soit les troupes américaines, allemandes, qui veulent quitter le Mali pour aller au Niger. Non. Donc en fait, notre vrai ennemi pour l'instant, ils sont dans d'autres États africains. Mais là, le danger direct se passe au Niger. D'accord. Voilà. Merci infiniment au professeur Jean-Paul Malek. Et on va ressortir définitivement de ce sujet avec vous, président Malakani. Le Sahel régorge de normes en jeu. Aujourd'hui, on a une alliance qui est assez visible. On va monter d'un cran, une alliance qui est assez visible. Et pour les uns et les autres, d'ailleurs, on voit le plan qui est mis en place par l'ONU, puisque eh bien, cette organisation est convoquée pour essayer d'armer autant... que cela n'est possible véritablement le Niger, parce que disent-ils, il faille absolument lutter contre le terrorisme. Et nous connaissons bien entendu le plan qui s'y cache, ou alors les objectifs inavoués. Est-ce qu'aujourd'hui cette alliance stratégique, bien qu'elle soit stratégique, comme le veut dire l'intitulé de notre programme, est tout aussi solide pour véritablement vaincre toutes ces dérives qui sont bien entendu observables au sein du Sahel? Pour répondre à cette question, mon cher Fabrice Ndoum, il faut voir d'où on vient. Quand on ne sait pas faire la proportion de d'où on vient, quand on est dans une crise, on ne peut pas analyser la valeur des pas de redressement. On ne connaît pas donner de la valeur au premier pas de relèvement. Le premier pas qui apporte des solutions à une crise dans laquelle on est plongé depuis très longtemps. Je comprends la colère, même pas la question d'interpellation avec mon frère, notre frère d'acier. Parce que moi, je ne vais pas insister sur d'autres choses. Moi, je veux parler avec mon frère d'acier. Il faut faire extrêmement attention. Le problème de l'Afrique, ça a toujours été les divisions. J'ai dit, l'Occident excelle, maîtrise l'art d'opposer l'Africain aux Africains. Et tant qu'on

tous ces gens-là. Vous croyez que c'est facile? Il a même fait avec certains Maliens que la France soudoie et paye pour faire la démocratie de bavardage et de trahison. Vous faites tout ça. Il tire sur un terroriste. On dit que non, c'est pas un terroriste. Prouve d'abord que c'est un terroriste. Voilà, monsieur, le capitaine a dit dans son discours l'autre jour. Il faut le suivre. Hein. Il vient m'acheter les armes, on ne lui vend pas. On dit qu'on ne te vend pas les armes létales. Mais pourtant, ceux qui disent ça, disent en plein jour qu'ils sont ennemis des terroristes. Quand c'est dans leur pays, qu'on dit que tu es un terroriste, on te tue sans procès. Tu as un couteau, une arme blanche, on te tue sans procès. Mais ici, M. Traoré dit, mais comment? On n'est pas d'accord, on est tous d'accord que le terrorisme est mauvais, non? Moi, je déclare la guerre au terrorisme. Donne-moi les armes, on dit que non, on te voit pas les armes létales. Autrement dit, non, vraiment, moi, monsieur, ne tue pas un terroriste. Ça veut dire quoi? Ce sont nos amis, ce sont nos enfants. Tu ne les tues pas. On ne donne pas les armes létales. C'est ce qu'on a fait à toi déjà en Centrafrique. C'est ce qu'on les fait jusqu'à présent. Vous croyez que c'est facile pour ces gens? C'est facile pour ces gens? Donc, à un moment donné, il faut que nous, les Africains, on sache ce que nous voulons. Il faut savoir ce que nous voulons à la fin. Merci. Merci infiniment à vous, très cher monsieur, pour vos contributions. Et on va... Juste prendre le coup d'une transition et on va évoquer notamment le cas Cléopâtre qui... Dacier, est-ce que vous pouvez le faire vraiment en une minute, hein, je vous en prie, pour repréciser peut-être s'il y a eu une mauvaise appréciation. Votre pensée, le temps pour nous de passer à la seconde thématique. Oui, allez-y, je vous en prie. Je ne peux pas le faire en une minute. Ma dernière émission sur Afrique Média, c'était à propos de la réparation de l'esclavage. J'ai défendu mes idées, je ne sais pas si c'est à cause de ça, Afrique Média, on ne m'appelle plus, c'est pas aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, je suis revenu, j'ai défendu mes idées, on semble ne pas me comprendre. Je rappelle qu'au tout début ici, mes positions sur le Mali, on croyait que je ne soutenais pas Assimi Goïta. Les Amina, là, on a eu des clashs ici. J'ai dit non, calmez-vous. Chacun défend ses idées. Deuxièmement, l'affaire de CDAO et Diawara ici, sur ce même plateau, on a eu des clashs. J'ai dit non, c'est un débat d'idées. Chacun parle en fonction de son background et de son expérience. Troisièmement, quand j'ai pris la parole aujourd'hui, je suis revenu sur le cas de mon pays. Monsieur Bandakani, le grand frère Bandakani et le grand frère Tatinda ici, sur ce même plateau, m'ont accusé que je fais des raisonnements tribalistes. Je ne suis pas rentré dans ça aujourd'hui, j'ai effleuré ça pour dire non. Je vous disais ce qui allait arriver, non. Voilà, ça arrivait aujourd'hui. Sur ce même plateau, les émissions sont là. Et quand Damiba a fait son coup d'État, la première émission qu'on a fait sur le coup d'État, c'est toujours là. Regardez sur Afrique Média. Quand le plateau, on dit qu'il faut les apporter leur soutien, de grâce. Si vous invitez les gens, prenez le soin de connaître qui ils sont. Moi, actuellement, au Burkina, je suis attaqué parce qu'on pense que je suis le seul qui publiquement prend position pour soutenir la transition du président Traoré. Regardez sur Facebook, appelez au Burkina. Actuellement, je suis attaqué au Burkina. Il n'y a pas de gens qui soutiennent ou bien intellectuellement qui prennent position sur des plateaux pour discuter sur cette question. Donc, si sur Afrique Média, vous venez encore dire que moi, je ne les soutiens pas, les gens vont dire, mais on ne comprend pas, est-ce qu'ils connaissent vraiment Dacier? Moi, je soutiens ces colonels. Je soutiens ces capitaines. Je n'ai pas dit quelque chose de contradictoire ici. On refuse pas de les accompagner. Mais c'est des idées qu'on donne. On peut donner des idées, on peut être en avance. C'est pourquoi je vous avais dit que sur l'affaire Mali-Burkina aujourd'hui, je suis en avance. Parce que j'essaie de quoi on parlait ici. Maintenant, quand on dit qu'on remet en cause les leaders, moi je ne les remets pas en cause. Sur ce plateau, j'ai toujours eu des contradictions. Mais ça ne veut pas dire que je les remets en cause. Peut-être que les gens ne prennent pas le temps de me comprendre. Quand on parle de religion, moi je ne suis pas attaqué des religions. J'ai fait une analyse. On parle en fonction de notre connaissance. Quand par exemple, on parle de ces questions de religion, et Bandakani parlait de l'esclavage, tout le monde ici a parlé de comment on vient de loin. La Centrafrique, là, qu'est-ce qui a détruit la Centrafrique? Ce n'est pas la religion. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on a vu là-bas? Ce n'est pas religion. Le Burkina même, on a tenté de mettre ça en crise ethnique. Le Mali même, ils connaissent ces mêmes problèmes actuellement au Soudan. Donc, moi, je parle en fonction maintenant de ma base, de mon background et de mon expérience. Maintenant, quand vous parlez de la culture africaine, mais le professeur Bandakani a dit tout ça pour revenir accepter mes idées. Quand il dit, je le reprends mot pour mot, réfléchir en adoptant notre patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous expliquer. On ne peut pas renaître dans cette guerre-là si on ne tient pas compte de notre culture. On ne peut pas faire ces combats-là si on ne change pas à renaître. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'ils valent rien. Je ne suis pas en train de dire que je ne les accompagne pas. Moi, je fais des propositions. Et moi, je pense qu'il faut prendre le temps d'écouter l'autre et peut-être même poser des questions pour ne pas qu'on vienne dire que non, les Africains, on a fait comme ça, la purification des trucs, il faut... Non, c'est pas ça le débat. On va revenir sur là. Quand on va aborder l'autre point, l'Égypte, là, on va retomber sur les mêmes problèmes culturels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque dans notre élan, dans notre combat? C'est le côté culturel. Et c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, quand je dis « ils n'ont qu'à aller à l'Union », ce n'est pas du tic au tac, mais je rappelle que tant qu'on ne sera pas unis, on ne va pas les vaincre. Allez-y demander au Burkina. Quand ils ont pas, j'ai toujours défendu le point de vue de l'État-major. La dernière fois, le président a confirmé ça. Et je vous ai dit, si je suis condamné. Donc moi, je pense qu'il faut que vous vous calmez. Moi, je n'ai rien contre ces présidents. Je n'ai rien contre les religions. Je n'ai rien contre les Africains. C'est ma manière de défendre mes idées. Si vous ne me comprenez pas, posez des questions. Parce que vous-même, si vous avancez sur certaines choses, les gens même vous demanderont, est-ce que, en tout cas, vous connaissez Dacier? Ce que vous êtes en train de dire, les questions de dire n'est pas apporter de soutien. Au Burkina, actuellement, je suis attaqué. Je vous l'ai dit, appelez et puis vous vous renseignez. Je suis attaqué parce qu'on pense que c'est moi qui soutiens la pension. Donc moi, je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un. Et ces questions de religion là, ou bien de culture africaine là, si vous ne voulez pas que les gens viennent, en tout cas, dire des choses à l'endroit, ça ne m'invite plus. Parce que la dernière émission que j'ai faite sur la Prime Média, c'est comme ça s'est passé ici. Voilà. Après ça, c'est comme si moi, je suis venu insulter les gens. Non! Moi, je pense que vous êtes des aînés, je vous respecte. Mais n'allez pas pour m'offenser. Parce que toute ma vie aussi, j'ai défendu l'Afrique. Ceux qui me connaissent le savent. Donc moi, je ne vais pas permettre qu'on prenne mal en mes propos. Vous pouvez me poser des questions. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que tout ce que Barakani a dit, quand on regarde tout ce qu'il a dit, mais il a dit une chose qui me rejoint. Il dit réfléchir en adoptant notre patrimoine. Le débat est clos. Donc, M. Barakani, ce que j'ai dit, il n'y a rien de mauvais. Parce que vous-même, quand vous parlez de patrimoine, c'est ce que j'ai dit. Le patrimoine, c'est quoi? C'est ce que j'ai développé. Et on va retomber sur ça quand on va aborder la question de l'Égypte. Et c'est une chance même, M. Mbeleg est sur le plateau, quand on va aborder la Renaissance africaine, on va voir si on ne va pas retomber sur les mêmes questions culturelles. Donc moi, je pense, je ne suis pas là pour vous manquer du respect ou bien pour faire quoi que ce soit. Respectons-nous. Voilà, respectons-nous. Si je dis quelque chose, vous ne m'avez pas compris, posez-moi des questions. Je suis votre petit frère, je suis sur le plateau avec vous en train d'apprendre. Ne faites pas comme si je suis là pour dire que non, je connais tout ou bien vous manquez du respect. Belek connaît Osiris. Depuis mon enfant, j'ai suivi Osiris, on a mené ce combat. Donc je ne peux pas venir sur le plateau refuser de soutenir un Africain qui lutte pour quoi que ce soit. Belek est témoin. Il connaît bien Osiris, le combat qu'on a mené au Burkina. Moi, je ne suis pas là contre quelqu'un ou bien pour dénigrer quelqu'un. Je peux dire des choses comme « et on ne m'a pas comprise ». Mais ça ne veut pas dire que je suis contre la religion, je suis contre quelqu'un. Ou bien je manque du respect à quelqu'un. Voilà. Pour ça, en tout cas, je te plaît. Merci infiniment à vous, monsieur Dacier de Bidounté. Vous avez reprécisé votre pensée et nous, comme nos téléspectateurs, on peut reconsidérer votre prise de parole. On va peut-être vous donner une réaction tout à l'heure. Mais je tiens à rappeler, premièrement, vous n'avez pas été censuré par Afrique Média Télévision. Il fallait d'abord qu'on puisse recadrer ou alors reclarifier cela. Nous avons plusieurs invités et c'est parfois selon le besoin que nous convoquons ou alors convions les différents panélistes pour venir véritablement apporter leur contribution sur ce plateau. Segundo, eh bien, les plaintes, en tout cas sur des questions de tribalisme, je crois que sur Afrique Média, nous traitons la question de tribalisme avec la plus grande rigueur possible. On peut ne pas être ensemble, mais on peut ne pas avoir la même pensée, mais on est obligé de s'unir pour véritablement rester focus sur l'objectif principal, celui de la renaissance. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, j'ai bien aimé ce vocable, la renaissance africaine. C'est elle qui nous unit en fait sur ce plateau. Président, vous avez souhaité également en une minute, oui, rapidement. D'abord, l'incident est clos. Si on ne peut pas appeler ça un incident, je crois que je voudrais dire à mon frère Dacier que quand on fait longtemps sans le voir, c'est nous qui demandons où il est. Mon frère Dacier, Attention, il faut aussi qu'on se connaisse, non? Quand on fait longtemps sans te voir, c'est nous qui demandons ici où tu es. Hein? Absolument. Et le jour où tu auras un problème au Burkina Faso, tu vas savoir comment on est attaché à toi. Attends, non, il ne faut pas dire ça. C'est le débat intellectuel qu'on tient jusqu'au bout, comme toi-même tu as dit. Mais le sida est clos. Le sida est clos, mon frère. Ça veut dire que comment c'est compris, c'est bon. Tu vois, comment c'est compris, c'est bon. Mais si toi-même tu regardes l'émission après, tu te regardes, tu vas entendre que tu as dit des choses qui justifiaient qu'on fasse ce qu'on a fait. Mais l'incident, ça dit que le débat, il est clos. L'incident est clos. D'accord. Il n'y a pas de souci à ce niveau. On est ensemble pour construire. Mais tu sais très bien ce qui se passe aussi. Il y a des gens sous couvert de kémitisme et d'afro-centrisme qui entretiennent des murailles de Chine infranchissables entre les panafricanistes, entre les frères africains dans le combat. Tu connais que ça existe. Donc nous devons... Non, pas toi. Je dis quand même. Présent. Oui. Il connaît le combat du fond qu'on a mené. Nous, on ne s'est jamais attaqué à quelqu'un. Il connaît bien Osiris. Il sait le combat. Nous, on est dans le respect total. Mbelek est témoin. Il sait comment Osiris nous a formés et nous a éduqués. On ne peut pas venir... Moi-même, je te connais. Moi-même, je te connais. Il te connaît, moi aussi, je te connais bien. Donc, ne te gêne pas à ce niveau. Je suis seulement à te dire que toi-même, tu connais que... Tu sais qu'il y a des combats derrière. On a vu ici avec le camp professeur Moutoundiamo. On est passé dessus comme ça, mais c'est une épisode que le monde entier a regardé et ça nous a exposé, nous les Africains, une certaine immaturité. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent construire les barrières de Chine dans le combat entre les frères qui mènent le même combat. Nous, on a laissé faire beaucoup de choses à l'époque. On a des éléments, le comportement, ce qui s'est passé lors du décès du lycée professeur Omotunde. Justement, tu parles de Belek. On a vécu des choses, on a des choses sous la main, on a vu des choses. Mais on a préféré dire que bon, ok, ça va. Moi, on m'a interdit. Le témoin nous a interdit. Avec des arguments qui ne méritent même pas de quartier. On nous a interdit de rendre hommage à Omotunde. Vous vous rendez compte? Et ceux qui l'ont fait, c'est pas possible, se présentent comme étant les plus grands afrocentristes, et les plus grands kémitistes et les plus grands dépositaires de la pensée du professeur Omotunde. On a lu qu'on va nous interdire. Et ceux qui devaient alors protéger sa mémoire, qu'est-ce qu'ils ont fait après? On sait ce qu'ils ont fait après. Donc vraiment, l'incident est clos, mon frère. Le combat continue. On lance ça main dans la main. D'accord. Ah, merci à vous, Nathan. Afrique Média. Le monde, c'est nous.